pierre. Tu t'es endormi doucement. Tu es parti, grand-mère, par les couloirs du temps. 95 années, autant d'amour à donner. 95 années, et dans nos cœurs à jamais. Et dans nos cœurs à jamais.